chercher à dépasser la FOMO. Elle est loin l'époque des touches du Juno. Je me sens menacée comme dans un murno. Dans Inside ou Limbo. La conseillère m'a dit faut qu'on avance. Je lui ai dit tu casses les couilles, moi je veux juste bouncer. J'ai brûlé la structure sans avoir check le témoin du jour. Je me sens high, je me sens down. Juste sur la highway, comme un damné. Je me sens high, je me sens down. Juste sur la highway, comme un damné. J'ai contourné bien des destinées. Pas le style de la maison d'être aligné. T'es jeune et tu crois que le monde est comme un générique du club Dorothée de Bernard Minet. C'est fini, je les chope tous par le col. Pas complètement dressé par l'école. N'étale pas ta vie comme du guacamole. Jamais loin de l'intoxication à l'éthanol. On combat les addictions, tout ce qui éloigne des missions. Loin du missionnaire, aliénation, colère. Cette putain de vie fout les nerfs. Gère la pression comme on peut. Face à tous ces discours pompeux, à la mort moineux. Les aillent tous bien niquer leur mère et leurs aïeux. Adios, adios, adios. Adios, adios. Adios, adios. Adios, adios. Je me sens high. Je me sens down. Juste sur la highway. Comme un damné. Sur la highway.